Mardi et mercredi. Des courses d'affaires m'ont ramené du côté de l'équitable et de la batterie sans que mon impression ait fait que se renouveler et se redoubler. Le souci, non moins prosaïque, d'assurer un gîte agréable à un séjour d'hiver plus prolongé m'a conduit à examiner au hasard de ces courses plusieurs hôtels. De telles visites donnent des indications très superficielles. Cependant, par tout pays, l'hôtel a cette valeur documentaire qu'il répond à ce que l'homme de ce pays demande. Un entrepreneur d'une maison meublée, d'un restaurant, est à sa manière un psychologue, dont le talent consiste à capter son client. Et de quelle manière, sinon en comprenant et en flattant ses goûts? Une simple auberge, du moment qu'elle réussit, ressemble à l'imagination de ceux qui fréquentent là et qui s'y plaisent puisqu'ils y fréquentent. Dans la province française, par exemple, les hôtels sont médiocrement tenus, avec des pots à eau tout petits, dans de petites cuvettes. Les meubles s'en vont en loques, les tapis sont râpés, mais la cuisine de la table d'hôte est presque toujours excellente, et la cave savamment garnie. C'est bien le goût du bourgeois moyen de notre pays, habitué par l'internat du collège, et ensuite par la caserne, à se passer de confortable, éliminé de toutes grosses dépenses inutiles, et dont l'économie fait durer les objets indéfiniment. Mais il est par contre fin de sensations, gourmet, connaisseur en vin. Il aime à causer, il s'attarde volontiers à table, dans la cordialité du café et du pousse-café. De même en Italie, le grand palais dénudé, qui sert si souvent de locanda, avec ses plafonds peints à fresques, ses murs garnis d'énormes tableaux, mal chauffés avec une cheminée mal construite, avec des domestiques aux fracs délabrés, intelligents et familiers, avec les fritures, le risotto et les fiaschi de vin naturels épars sur la table, convient si bien aux voyageurs de Toscane, de Romagne et de Vénétie. Pas un de ces traits dont la correspondance ne se retrouve dans cet homme, habitué à une existence pauvre, dans quelques décors de magnificence. Naturellement bon homme avec ses inférieurs, et peu difficile sur leur tenue, fils d'un pays où l'argent est rare, l'activité industrielle plus rare encore, et où la parcimonie gouverne même la nourriture. De même, encore, l'hôtel anglais, avec l'abondance de ses petits appartements, ses domestiques distants et actifs, son copieux déjeuner du matin, les grandes pièces rôties de son lunch froid et ses dîners servis à des tables séparées révèlent à lui seul tout le goût du home et du quant à soi, qui fait le fond de 19 Anglais sur 20. Ils emploient un mot pour cela, dont ni les Français ni les Italiens n'ont la traduction, tant ils ont peu la chose, c'est la privacy, et qu'un gentleman a le devoir de respecter dans la vie personnelle d'un autre gentleman et le droit de faire respecter dans sa propre vie. Même dans un caravansérail de passage, il trouve le moyen que cette loi soit observée. Ces images diverses et ces réflexions me poursuivent en franchissant le seuil des quelques hôtels de New York, que l'on m'a indiqué comme les plus récemment construits. Tous sont des édifices du genre de ceux que les gens de Chicago appellent des écorcheurs du ciel, ou des presseurs de nuages, skyscraper et cloud presser. Un à 10 étages, un autre 12, un autre 14. C'est d'abord un hall de marbre orné avec plus ou moins de splendeur, et sur lequel ouvre un restaurant, un bar, d'autres magasins. Une main vous indique que le barbier est au sous-sol. Dans une cage, des ascenseurs sont rangés, par 4, par 5 et par 6, prêts à partir avec une rapidité de dépêche électrique. J'ai eu hier l'impression que les Américains font marcher la rue. J'ai aujourd'hui celle qu'ils font voler l'étage. Aussi, ces hôtels, somptueux jusqu'à la folie, n'ont de tapis que dans les couloirs. Les escaliers, eux, montrent leur marbre nu où personne ne met le pied, sinon les domestiques, et par hasard. Ils ont leur ascenseur à eux, et sur les murs de ces couloirs, comme sur ceux des moindres chambres, ce ne sont qu'appareils fantastiques pour continuer ainsi, sous toutes les formes de cette course de l'étage, et vous donner, si vous vivez au 14e, la sensation d'être au premier. Sur une boîte de chaque corridor sont écrits ces mots « United States, my shoot ». Je demande ce qu'il signifie, et mon guide me montre un grand chemin de verre le long duquel une lettre jetée dans cette bouche descend et va elle-même tomber vers la boîte centrale que le facteur lève. Un disque mystérieux où repose une aiguille et que couvrent des caractères imprimés attire mon attention. Le même guide m'explique qu'en pressant un bouton, le voyageur se fait apporter celui des objets sur le nom duquel il a fixé la pointe de cette aiguille. Je regarde cet étrange menu. J'y vois qu'on peut se procurer ainsi, dans les 5 minutes, toute la série des cocktails et des champagnes bruts, toute celle des journaux et des revues, une voiture à 1 ou à 2 chevaux, un médecin, un barbier, des billets de chemin de fer, 10 sortes de plats froids et chauds, des billets de théâtre. On s'étonne qu'on n'ait pas encore perfectionné cette machine et obtenu le moyen de se marier aussi, de divorcer, de tester, de voter. En attendant, il convient d'ajouter que ces enfantillages, de raffinement, ne font qu'en compléter d'autres plus appréciables. On compte les chambres à coucher, qui n'est pas à côté d'elle un cabinet de toilette, avec une salle de bain où l'eau chaude et l'eau froide coulent à volonté, à toute heure du jour et de la nuit. C'est avec cela un luxe insensé de boiserie et d'étoffe. Je revois, en transcrivant ces notes, un tout petit salon au 9e étage d'un de ces hôtels. À l'angle et tout juste à la même hauteur qu'une horloge placée dans le clocher d'une église voisine. Avec son canapé et ses fauteuils de soie havane, ses minces bandes souples de soie blanche sur les tables et sur le dos des sièges, avec l'acajou clair de sa boiserie, la finesse de ses chaises à bascule cannées et les eaux-fortes de ses murs. C'était à ne jamais se croire dans un appartement d'hôtel, loué au jour ou à la nuit. Il y a ainsi 200 chambres ou salons dans l'immense bâtisse. En la regardant du dehors et calculant que tous ces appartements sont chauffés par un appareil de tube en métal, où l'eau chaude arrive et d'où elle s'en va par un tour de roue, que l'électricité en éclaire les moindres recoins et fait marcher depuis les sonnettes jusqu'aux pendules, que le gaz est installé à côté pour le cas où cette lumière électrique s'arrêterait. Je songe à l'innombrable quantité de tuyaux dont est perforée cette espèce de bête vivante en briques et en fer. Elle ne bouge pas, mais elle souffle là-haut, à cette distance invraisemblable, une colonne de noire fumée, épaisse comme celle d'un navire. Je songe à ce qu'il tient d'invention humaine dans l'ajustage ingénieux de tant de menues pièces. J'ai compté dans ces visites à 5 hôtels, 5 systèmes différents pour vider les lavabos et les baignoires. Traduit en réalité concrète, ces humbles détails signifient que 5 intelligences subtiles, au service de 5 volontés de faire fortune, ont étudié ce problème, puéril d'apparence, avec l'espoir justifié par le résultat de rencontrer des capitalistes qui patronneraient l'invention et des architectes qui l'adopteraient. En est-il ainsi du petit au grand ? Il est bien probable, et c'est une jeunesse évidemment, que ce génie de nouveauté. Mais voyant ce qu'un Américain en voyage demande à un gîte de hasard, constatant ce qu'il lui faut d'argent pour satisfaire des goûts de confortable aussi compliqués, mesurant le degré d'ingéniosité où en arrive ici l'asservissement de la matière aux besoins de l'homme, je ne puis de nouveau me retenir de conclure comme avant hier. Cette civilisation manifeste aussitôt, à celui qui l'aborde en passant et sans préjugés, des signes de maturité bien plus que de début et d'hésitation. Seulement New York ne résume pas plus tous les États-Unis que Paris ne résume la France, et il faudra voir. Jeudi. Deux oasis dans cette existence de touristes que je mène ici depuis 4 jours. Un déjeuner au club des Flyers, avec des hommes de lettres attachés à une grande revue, et une soirée au théâtre avec un autre homme de lettres qui dirige un important journal. Je note mes impressions sans souci de trop les rattacher aux précédentes, et en comprenant que si la copie des choses physiques est toujours légitime, celle des choses morales a besoin d'être contrôlée plus soigneusement. J'espère rester aux États-Unis d'assez longs mois pour que ce contrôle me soit assuré. L'histoire de ce club est singulière. Elle confirme ce que j'avais souvent entendu dire sur la place particulière que les comédiens occupent en Amérique. C'est l'acteur Booth qui l'a fondé. Il a acheté la maison, il l'a meublée, il l'a ornée des précieuses collections réunies par ses soins et toutes composées d'objets qui se rapportent au théâtre. Puis il l'a donnée au club, en se réservant d'y habiter un appartement où il est mort. Je suis frappé par l'extrême tenue de l'endroit, par son caractère si prononcé de choses anglo-saxonnes. Le square sous les fenêtres, Gramercy Park, a la physionomie d'un coin de Kensington. La respectabilité de l'artiste est écrite partout, et mille détails attestent qu'elle ne lui était pas personnelle. C'est l'art même du comédien dont cette maison révèle le culte. 2 beaux portraits, l'un de Booth lui-même, l'autre de Jefferson, par le peintre John Sargent, montrent des faces pétries de pensée et de volonté, presque trop intellectuelles pour une profession, qui veut plus d'instinct, plus d'inconscience. Tous les autres acteurs dont les images décorent les murs ont cette même expression qui va jusqu'au tendu. Je crois y deviner l'énergie de la race appliquée à la culture. Il faut entendre les Américains prononcer le mot « art », tout simplement et sans article, pour comprendre l'ardeur profonde avec laquelle ils éprouvent le souci de se raffiner. Et c'est aussi ce mot « refine » qui revient sans cesse dans les propos des confrères avec lesquels je visite le club. Peu ou point d'anecdotes de vie privée dans les conversations que la vue des portraits leur suggère. En revanche, je reste étonné de constater combien Il garde le souvenir des moindres nuances observées dans le jeu de ses acteurs, et particulièrement comme l'interprétation de tel ou tel rôle de Shakespeare passionne leur esprit. J'aperçois une fois de plus la force nationale du génie de ce poète, et à quel degré la littérature dérive de lui dans les pays de langue anglaise. Molière n'a pas cette position chez nous, ni Goethe en Allemagne. Leur œuvre ne projette pas cette influence unique et continue, qui est celle aussi de Dante sur l'âme italienne. Peut-être les Américains tiennent-ils à Shakespeare par des fibres plus passionnées encore que les Anglais. C'est une façon pour eux de se rattacher à une tradition, et j'ai déjà cru reconnaître, à plusieurs reprises, ce besoin d'un peu de lointain derrière le présent, dans cette contrée tout en présent et en actualité. J'en ai une preuve nouvelle, quoique très petite, en sortant avec un de mes compagnons de ce matin, qui me montre sur une place deux lanternes plantées devant une maison. On les avait mises là, dit-il, durant le temps que le maître de cette maison était le premier magistrat de New York. C'est l'usage. Il est mort et on les y a laissés. Vous ne pouvez pas comprendre cela, vous qui vivez dans un pays d'histoire. J'ai du plaisir à les regarder, parce qu'elles sont une chose il y a déjà 25 ans, et cela fait du bien de retrouver un peu de passé dans une ville si neuve. Rien de plus actuel en revanche, de plus exclusivement et absolument local, de moins shakespearien aussi, que la pièce à laquelle un autre confrère me conduit le soir. Ce n'est pas très bon, me dit-il, mais vous verrez comme c'est fait pour notre public. Nous entrons dans un petit théâtre qui présente cette particularité de n'avoir presque pas de loge. Aucun théâtre n'en a davantage à New York, sinon l'opéra. Est-ce une maladresse ou une hâte dans la construction des salles? Est-ce le désir de multiplier les places? Est-ce un signe de la démocratie, des mœurs, ou simplement la préoccupation constante ici de l'incendie? Toujours est-il que les femmes et les hommes, pêle-mêle et un peu de toute classe, se pressent à l'orchestre et au balcon. Ils suivent avec un intérêt passionné ce drame, qu'ils connaissent déjà, car il y a eu un nombre incalculable de représentations. Il s'appelle « Le Nouveau Sud ». Le sujet de la pièce suppose à lui seul de curieuses différences, non seulement de mœurs, mais de législation. Un officier du Nord, en garnison dans le Sud, se trouve peu après la guerre avoir une querelle avec le frère de sa fiancée, qui est un planteur de Géorgie. Cet homme lui arrache son sabre et le menace. L'officier se défend avec le fourreau. Il frappe à la tête son agresseur et l'étend du coup à terre. Épouvanté de sa propre action, il court chercher du secours. Et pendant son absence, un nègre, autrefois insulté par le planteur, et qui voit cet homme sans connaissance, l'égorge avec le sabre même de l'officier. Ce dernier, convaincu d'assassinat, est condamné aux galères. Mais sa fiancée a foi en lui. Et profitant du code particulier à l'État qui autorise chaque citoyen à choisir un convict pour domestique, avec l'autorisation du gouverneur, elle tire du bagne l'assassin, présumé de son frère. Et elle le prend à son service afin qu'il puisse prouver son innocence. Le caractère de cette fille, si extraordinaire pour un étranger, soulève des tempêtes d'applaudissements. Quand elle dit à son père « Suivez votre chemin, moi je suis le mien », la frénésie du public ne se connaît plus. La force personnelle de la volonté, la poussée en avant de l'être qui agit, d'après sa conscience, voilà sans doute ce que ces gens applaudissent. Je pense par contraste à l'accueil que ferait un public de chez nous à l'attitude de cette fille vis-à-vis de son père. Il faut croire que les relations de famille ne sont pas tout à fait au regard des spectateurs d'ici, ce qu'elles sont aux nôtres, car une seconde scène soulève le fou rire qui choquerait cruellement une salle parisienne. La sœur de l'héroïne est prise d'un médecin à qui elle fait la première une déclaration mimée au cours d'une consultation et en lui tirant une langue d'un pied, surprend ce même père en train de demander une vieille dame en mariage. La férocité avec laquelle l'insolente éclate de rire et saute en l'air, tout en montrant le bonhomme au doigt, paraît la plus plaisante du monde à ce public, qui, visiblement, trouve naturelle cette égalité absolue des enfants et des parents. Mon confrère à qui je communique ma remarque admet que chez nous la famille est bien plus unie que dans les pays anglo-saxons, et notamment en Amérique. « Mais, dit-il, vous avez cette misère qu'une fille chez vous ne peut pas se constituer une vie, à elle hors de cette famille. Ses parents l'aiment trop et elle les aime trop. Elle n'apprend pas à compter sur elle-même, elle n'a pas de self-reliance, comme nous disons. Cette indépendance a cet avantage ici qu'une femme sans fortune pense à gagner son pain, honnêtement et bravement, comme un homme. Elle se fait docteur, elle se fait professeur, elle se fait secrétaire de n'importe quelle administration, et elle est heureuse. A-t-il raison sur ce dernier point? Ni lui ni moi ne le saurons jamais. Tout en rentrant, je me rappelle pourtant à l'appui de son dire le quart d'heure que j'ai passé au sortir de mon déjeuner à visiter les bureaux de la revue où collaborent mes hôtes des Players. Je revois la quantité de femmes occupées, en effet, à des travaux de tout genre dans ces bureaux, une surtout jeune et gracieuse, assise devant une machine à écrire. Elle recopiait un manuscrit d'article. Ses doigts fins jouaient sur les touches de cet instrument comme sur celles d'un piano. C'était une besogne propre, délicate, pas trop fatigante. Et sur son charmant visage se lisait une sérénité profonde de conscience, une volonté calme, comme une dignité touchante chez une créature si jeune, et évidemment si pauvre. Faut-il croire que cette indépendance active de la femme a pour condition ce relâchement des liens de la famille ? C'est possible, après tout, puisque la durée de cette même famille paraît bien avoir pour condition le droit d'aînesse, ou tout au moins la liberté de tester, et l'inégalité en apparence la plus injuste, celle de l'héritage. Vendredi. J'ai repris ce journal dans le train qui va de New York à Newport. Assez confortablement installé à une table d'une de ces voitures Pullman qui porte le nom pompeux de Palace Car. Entre parenthèses, quoique je n'ai encore passé que 7 jours aux États-Unis, j'ai pu constater à quel habituel excès de métaphores les Américains se livrent instinctivement. Le moindre produit est sur les annonces « the best in the world », le meilleur au monde. Un vainqueur de boxe devient le champion du monde, « the champion of the world ». J'ouvrais par hasard hier un annuaire de l'école militaire de West Point, et j'y voyais sciences et arts où les cadets excellent. Où finit la naïveté? Où commence ce charlatanisme si bien défini par ces 3 mots presque intraduisibles et que nous sommes d'ailleurs en train d'adopter et de pratiquer? Le pouf, le boum et le bluff. Certes, les somptuosités d'un vrai palais n'ont rien de commun avec les élégances partrouvoyantes de ces longues voitures. Telles quelles, leur raffinement fait honte à nos meilleurs wagons d'Europe. Elles sont ajustées de manière à former d'un bout à l'autre du train un vestibule couvert. Un buffet roulant y est attaché. Si elles devaient, au lieu d'un trajet de 6 heures, en accomplir un de plusieurs jours, il s'y trouverait des salles de bain, un barbier, un salon de lecture. Et ce sont à peine des places de luxe, puisqu'il n'y a qu'une classe aux États-Unis, et que le supplément à payer pour passer de cette classe dans ces wagons-ci est insignifiant. J'ai acheté 1 dollar mon fauteuil pour la distance de New York à Newport. Encore ici, cet esprit singulier de complications qui me frappe à chaque minute depuis le débarquement se manifeste à 50 signes. Tout est ajusté, machiné, truqué pour enfermer dans le plus petit espace le plus grand nombre d'objets possibles et d'objets manœuvrables. Le fauteuil où vous asseyez se tourne sur pivot et se penche à votre gré. Si vous voulez ouvrir la fenêtre, le nègre arrive, porteur d'un treillis de métal destiné à vous protéger de la poussière, et qui glisse sur une rainure spéciale entre les rebords de cette fenêtre et celui du carreau ainsi soulevé. Si vous voulez déjeuner, jouer aux cartes ou écrire, il dresse devant vous une table qui d'un pied mobile s'appuie au plancher et par son autre extrémité s'adapte à la paroi du wagon. Sans cesse des enfants passent, offrant des journaux et des livres. J'y distingue dans le paquet le roman d'Alphonse Daudet, Sappho, avec ce sous-titre « Or Lord by a Bad Woman's Fatal Beauty » ou trompé par la fatale beauté d'une mauvaise femme. Et c'est partout une prodigalité de tapis, de peluches, d'acajou sculptés, d'ornements nickelés. Les nègres eux-mêmes, qui se promènent, revêtus tantôt de leur uniforme et tantôt d'un immense tablier blanc, semblent des animaux de luxe, une fantaisie de la compagnie qui achève pour moi l'exotisme de ce décor. Armés d'une sorte de plumeau brosse, qu'ils manient avec une agilité simiesque, ils vont, époussetant les voyageurs avant les stations, sans les consulter, comme des meubles. J'ai vu un d'entre eux, tout à l'heure, prendre le chapeau d'un gentleman âgé qui lisait un journal. Il l'a nettoyé, puis il l'a remis sur la tête du patient sans lui demander la permission. L'autre n'a pas même levé les yeux. Cependant, les villes se succèdent et les paysages. Le train traverse sur des ponts très bas et à toute vapeur de larges rivières qui coulent entre des forêts. Des restes de forêts, plutôt violées, massacrées, et dont la végétation vigoureuse atteste encore la splendeur primitive de cette contrée, avant qu'elle n'y débarquât. Le destructeur des bois, l'homme au pas le visage. Des cottages succèdent à des cottages. Sans un jardin, sans un seul de ces petits salons, en plein air, faits de verdure et de fleurs, où le bourgeois français aime tant à flâner, son sécateur et son arrosoir à la main. Mais où les Américains le prendraient-ils, le temps de flâner, de regarder un rosier qui pousse, de se laisser vivre? Leurs rosiers, à eux, ce sont ces vastes cheminées d'usines qui vont se multipliant. Leurs jardins, ce sont ces maisons, bâties si vite que d'une génération à l'autre, elles ont quintuplé, décuplé et au-delà. En 1800, New Haven, que le train vient de dépasser, avait 5000 habitants. Elle en a 80 000 aujourd'hui. Et son commerce est évalué à plus de 150 millions de francs par an. Tout à l'heure, c'était Bridgeport, qui a fabriqué l'année dernière pour 100 millions de machines à coudre et de voitures. Hartford, dont les compagnies d'assurance ont toutes ensemble un capital de 700 millions de francs. Ces chiffres deviennent comme concrets devant ce paysage, qu'ils expliquent et avec lequel ils se mêlent, tant il y a de bateaux à vapeur dans les moindres ports, de lignes de tramways électriques dans les rues des cités, d'usines dans la campagne et d'annonces, des annonces encore, des annonces. J'avais pris mon papier pour résumer mes impressions de cette première semaine en quelques traits un peu généraux. Je ne le peux pas. Tant ce mélange d'une nature par moments si primitive, si voisine de la sauvagerie virginale et de cet industrialisme exaspéré, absorbe mon attention. Et cependant, à peine si le wagon bouge malgré la vitesse. Une brochure écrite par un de nos ingénieurs les plus distingués, M. de Chasseloup-Laubat, et que j'ai lue avant de partir, m'en a donné la raison par avance en me montrant avec quel bon sens le constructeur a placé la longue voiture sur de tout petits chariots à six roues, de manière à ce que les parties réservées au siège soient en dehors de l'axe de trépidation. Elle m'a fait comprendre aussi la locomotive, joli et puissant outil de vitesse, très haute et aménagée de façon à ce que le mécanicien voit au loin toute la route, à travers une cage vitrée où il est assis. Tous les organes sont dehors, cylindres, tiroirs, bielles, à portée de la main. Cette locomotive pose à l'avant, elle aussi, sur un tout petit chariot directeur, qui permet des courbes plus rapides et une voie établie plus légèrement. Qui a inventé ces perfectionnements? Qui a imaginé aussi tout le détail si étrangement compliqué de ces wagons? C'est toujours la même réponse. Personne et tout le monde. Cette volonté sans cesse en arrêt, cet œil toujours en éveil, cette audace toujours en quête de nouveauté, et cette sorte d'insatiabilité de raffinement qui me semble jusqu'ici le trait le plus marqué de cette civilisation, celui que je m'attendais le moins à trouver. S'il me fallait retourner demain en Europe, c'est dans cette sensation pourtant que se résumerait ce premier contact si rapide avec ce peuple. Il semble qu'il ait en effet triomphé du temps, puisque cet extrême, atteint dans le luxe, touche de si près à la barbarie de l'Ouest et plus simplement à celle des quartiers populaires de New York. Je suis curieux de savoir si je trouverai le même contraste, la même saute étonnante d'atmosphère dans cette ville d'eau où je serai ce soir, et dans tous les Américains qui m'en ont parlé m'ont semblé un peu fiers et un peu dégoûtés. « Il n'y a qu'un Newport au monde, disent-ils. » Et ils ajoutent invariablement « Mais Newport n'est qu'une coterie de millionnaires, ce n'est qu'un set, ce n'est pas l'Amérique. « Pourquoi ?» ai-je demandé à plusieurs. « Vous le comprendrez quand vous y serez allés, » répondent-ils non moins invariablement. Puis avec une reprise d'orgueil, il y a plus de millions de dollars représentés sur cette petite extrémité de cette petite île que dans tout Londres et dans tout Paris réunis.